Chapitre 2e. Je suis français de cœur et de raison. Si ce n'était orgueil, je dirais plus que français, gaulois, parisien. Je suis né d'une famille de petits marchands, dont on retrouverait le nom en tête de bien des factures depuis plusieurs centaines d'années. Leur horizon a toujours eu pour limite les rues Saint-Denis et Saint-Martin. Un seul a fait une pointe jusqu'à la rue Vivienne, mais il était revenu à son centre naturel, rue Turbigot. Il y est mort. C'était mon père. Son métier, tailleur. C'était un homme petit, nerveux, au teint décoloré, très actif, qui chaque matin courait Paris, sa toilette sous le bras, intelligent en affaires, très honnête et très obligeant, sachant deviner le client de bonne foi et ne lui refusant point crédit, mais dur pour quiconque lui paraissait se moquer de lui. C'était d'ailleurs l'incarnation de la raison. Il était sobre et chaste. En vrai parisien, il adorait le théâtre et un client retardataire pouvait singulièrement l'amadouer par le don de quelques billets de faveur. Il paraissait n'avoir pas d'imagination et la seule débauche cérébrale qu'il se permit était justement l'intérêt qu'il prenait aux aventures imaginaires de la scène. Un drame le passionnait. Il haïssait sincèrement le traître et pleurait naïvement sur le sort de la jeune première. Je ne lui ai connu qu'une vanité. Son nom figurait sur le registre des vainqueurs de la Bastille et sur la colonne de Juillet. C'étaient les titres de noblesse de la famille et il y tenait. Ses opinions politiques étaient d'ailleurs en harmonie avec son caractère pondéré. Il allait jusqu'aux extrêmes limites du libéralisme, mais se refusait à les dépasser. Les frondeurs l'amusaient et il riait volontiers des pointes spirituelles dont il piquait l'autorité. Mais à la moindre velléité de violence active, il redevenait sérieux, exigeant avant toute chose qu'on le laissât travailler tranquille. En somme, placide. Je me souviens m'être demandé souvent s'il n'y avait pas en lui, sous une apparence de banalité, l'étoffe d'une profonde philosophie. Quand j'étais enfant, j'étais frappé parfois, alors qu'il travaillait très paisible dans l'arrière-boutique, du rayon que je voyais filtrer sous ses paupières baissées. Je sais qu'on l'estimait beaucoup, non seulement pour sa probité, mais surtout pour la rectitude de son jugement et aussi pour une instruction que je ne pouvais juger, mais qui, à certains détails que je me rappelle, était évidemment supérieure à sa condition. Il avait une clientèle de professeurs ou de jeunes savants auxquels il rendait volontiers ses services inappréciables qui permettent une tenue indispensable au début. Quand un timide, muni d'une recommandation, venait tenter ce qu'il appelait le coup de la redingote, mon père, avec sa simplicité un peu narquoise, savait faire causer le néophyte, et plus d'un, surpris, témoignait d'un respect non équivoque pour ce petit marchand qui pensait et parlait juste, même sur des questions tout à fait en dehors de sa compétence probable. Un d'eux s'écria même un jour en riant, mais non sans une nuance d'estime. « Mais monsieur, c'est un véritable examen que vous me faites subir. »« Bon, » fit mon père, « un Parisien doit savoir un peu de tout. » Le fait est qu'il lisait beaucoup, surtout le soir, n'allant jamais au café. Enfin, il était bon, et sa conduite envers ma pauvre mère fut celle d'un être angélique. J'ai su depuis dans quelles conditions il avait épousé ma mère. Dans la maison qu'il habitait, et où il exerçait sa profession, un locataire inconnu de lui s'était suicidé, un original, au cerveau détraqué, disait-on dans le quartier, qui vivait seul, se livrant à ce qu'il plaisait aux bonnes gens d'appeler des œuvres du démon. En fait, c'était sans doute un de ces savants dédaignés, doués de plus d'instruction que de raison, et qui poursuivent un rêve trop hautain, sans se résoudre à monter un à un les degrés qui pourraient les y conduire. Il avait pris plusieurs brevets d'invention, avait épuisé toutes ses ressources, sans parvenir à les exploiter utilement. J'ai cru comprendre qu'il avait dirigé ses recherches du côté de l'électricité ou peut-être du magnétisme. Quoi qu'il en soit, le malheureux, à bout de ressources et d'énergie, s'était empoisonné, non sans avoir détruit au préalable tous ses manuscrits, ainsi que les appareils qui servaient à ses expériences. Une seule feuille de papier avait échappé à cet auto-da-fé, je la possède encore, elle porte ce titre étrange, « La vie des morts ». Je ne sais comment mon père apprit que cet homme, qu'on croyait un vieux garçon, était veuf et avait une fille, élevée dans un pensionnat à quelques lieues de Paris. L'enfant avait 14 ans. La mort de son père, qui, paraît-il, avait toujours payé très régulièrement sa pension, entraînait la cessation de ses études et, de plus, livrait la pauvre fille à tous les hasards d'une vie de misère. Mon père, à 40 ans, était encore célibataire. Il eut plus de s'intéresser à cet inconnu, et il se substitua au père disparu. La jeune fille était jolie, intelligente, elle fut reconnaissante, et à 18 ans, mon père l'épousa. Un an après, je naissais. De moi-même, de ce que fut ma première enfance, je parlerai tout à l'heure. L'union de mon père et de ma mère fut des plus heureuses pendant 8 ans. Mais à l'âge de 26 ans, ma mère tomba dans un état maladif qui, en 5 ans, la conduisit au tombeau. J'ai sous les yeux une lettre de mon père, adressée à ce qu'on se plaît à appeler un des maîtres de la science moderne. Je la transcris tout entière pour me pénétrer de ces termes, incompréhensibles évidemment pour celui dont il réclamait le secours, mais que nul mieux que moi n'est apte à traduire. J'y remarque surtout les tendances rationalistes, positives, de l'esprit de mon père, que déroutait la singularité d'un état mal observé, en raison d'idées préconçues qui s'opposaient à l'examen. Voici cette lettre. « Monsieur le docteur, ainsi que vous avez bien voulu m'y autoriser, je viens vous faire part des circonstances que j'ai remarquées dans la maladie de ma pauvre femme. Je vous prie de m'excuser si ces remarques vous paraissent obscures. Je note les faits que je vois ou que je crois voir, et ne pouvant me les expliquer, je les décris mal sans doute. Mais je puis vous assurer que tout ce qui suit est l'expression absolue de la vérité telle qu'elle m'apparaît. Il y a 2 ans que, pour la première fois, je notais le premier symptôme. Un soir, il était 10 heures environ, l'enfant venait de se coucher, et moi je travaillais à mettre mes livres en ordre. J'étais avec ma femme dans la pièce qui nous sert à la fois de salon et de salle à manger. Elle est éclairée par une lampe à suspension. Adèle cousait et ne parlait pas, ce qui n'avait pas lieu de m'étonner, car le plus souvent elle était silencieuse et rêveuse. Soudain, j'entendis un bruit comme un glissement. Je levai vivement la tête et je vis ma femme renversée en arrière sur le dossier de sa chaise, les yeux fermés, pâle comme une morte. Je m'élançai vers elle et, la saisissant dans mes bras, je l'étendis sur le canapé. Puis, courant à ma chambre, je revins, apportant du vinaigre et des sels, mais pendant plus d'un quart d'heure, tous mes efforts furent infructueux. Le cœur battait faiblement, le pouls était sensiblement ralenti, mais restait égal. Je n'osais la quitter pour aller chercher du secours, redoutant une crise foudroyante. Mais tout à coup, je vis son visage se colorer de nouveau. Son pouls, que je consultais en ce moment même, reprit sa vigueur. Elle eut une longue aspiration, ouvrit les yeux et se mit à parler, d'abord de façon incohérente. Elle parlait de l'enfant qui était dans la pièce voisine. Il dormait bien maintenant. Puis elle s'excusa de m'avoir inquiété, n'accusant plus qu'un léger malaise. Elle se coucha et s'endormit paisiblement. Je dois noter que par une coïncidence singulière, le petit Paul, en s'éveillant le matin, remercia sa mère d'être venue l'embrasser pendant la nuit. Évidemment, il avait rêvé. Cette crise ne se renouvela pas pendant 6 mois. Mais au bout de ce temps, elle reparut, dans des conditions à peu près identiques, mais plus intenses, plus effrayantes. Pendant la syncope, qui dura 1 heure, le corps se glaça, le visage se couvrit du masque de la mort, et un instant, il me sembla que le cœur ne battait plus. Affolé, je criai au secours. Des voisins accoururent, mais Adèle se réveilla, comme la première fois. L'accès se dissipa complètement, sans laisser de traces appréciables. J'appelai un médecin qui n'attacha aucune importance à ces symptômes et m'en donna une explication banale, injustifiée d'ailleurs, par le caractère et le tempérament de ma femme. Quant à elle, lorsque je l'interrogeai sur ce qui se passait en ces syncopes, elle me répondit par des explications si bizarres que je n'ai pas encore osé vous en faire part. Aujourd'hui, je dois tout vous dire. Elle me dit que soudain, au moment où elle s'y attend le moins, elle sent qu'une force à laquelle elle ne peut résister l'attire hors d'elle-même. Ce sont ses propres expressions. C'est, dit-elle, comme si une ventouse s'appliquait à son cœur et faisait le vide dans tout son être. Enfin, ajouta-t-elle, et c'est ici que je fais appel à toute votre indulgence pour mon langage si peu scientifique, quelque chose qui est sa vie, sa force vitale, sans doute, s'exhale hors d'elle et l'état de vapeur se condense, vague à travers l'appartement. Que sais-je? Naturellement, j'attribue ces illusions à un état maladif. C'est quelque chose comme les hallucinations de la fièvre. Et je n'eusse attaché à ces récits d'autre valeur que celle qu'ils méritent comme symptôme d'un état passager. Si par malheur, les accès n'était devenu de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, je puis dire que la léthargie est l'état normal de la pauvre femme et que la veille raisonnable et agissante n'est que l'exception. Pendant une moyenne de 4 jours par semaine, Adèle est plongée dans le sommeil, sans prendre aucune nourriture. Elle ne paraît jamais souffrir, si ce n'est au début et à la fin de la crise. Je m'explique. Quand elle va tomber dans cet état, j'en suis averti par le jeu de sa physionomie, d'abord surprise, puis inquiète. Il y a dans ses yeux une angoisse qui a parfois un caractère d'effroi que je ne saurais comparer qu'à l'effarement terrifié d'un enfant auquel un opérateur va arracher une dent et qui a vu l'instrument d'acier s'approcher de sa bouche. Puis, pour continuer la comparaison, on dirait qu'instantanément l'opération est faite. Il s'ensuit un soulagement immédiat, mais en même temps, comme si le sang coulait par quelques blessures invisibles, la face se décolore, les joues rentrent, le front se tend, les lèvres s'amincissent. Pendant toute la crise, le visage reste impassible. Jamais de contraction dans les membres, jamais de mouvement convulsif. Si l'expression employée par ma chère Adèle n'éveillait des idées presque fantastiques, et contre lesquelles ma raison me défend, je dirais que je n'ai plus sous les yeux qu'un corps dont l'âme est provisoirement absente. Ce qui me frappe encore plus, peut-être, c'est le mode de sa résurrection. Pardonnez-moi d'employer ce mot, mais j'essaie avant tout de me faire comprendre. Après 60 ou 80 heures d'immobilité, tout à coup je vois ma femme porter vivement la main à son cœur, jamais à sa tête, ce qui cependant pour moi semble être le siège du mal. Elle tend alors la poitrine en avant, comme si, dans ce cœur présenté, elle s'offrait à recevoir de nouveau le souffle de vie. Là encore, une secousse d'angoisse trouble sa physionomie, mais elle est instantanée, et dès 7 secondes, la vie rentre en elle, les membres s'assouplissent, la bouche et les yeux s'ouvrent. Seulement la lassitude, nulle après les premières atteintes de ce mal étrange, devient de plus en plus accablante. Certes, elle vit pendant ses intermittences, mais le pouls est faible, la respiration à peine perceptible. Elle parle bas, ferme à demi les yeux, comme si la lumière du jour lui faisait mal. Ses mouvements sont lents, il est incapable de travail manuel, tant ses mains ont peu de force. La moindre locomotion, fût-ce de traverser la chambre, l'épuise. Puis, vous dirai-je, ce qui m'épouvante le plus, c'est son sourire, doux, résigné, continuel. Si je l'interroge avec toutes les précautions nécessaires, elle me répond avec bonté, comme si elle me faisait volontiers une concession. Elle ne m'explique plus ses sensations. C'est ma faute. Elle a surpris sur ma figure quelques signes d'incrédulité alors qu'elle m'entretenait de ses visions. Et pourtant, puis-je nier qu'elle m'ait parlé de faits qui s'étaient passés dans le magasin alors qu'elle était étendue, immobile, dans sa chambre? Puis-je nier qu'elle m'ait répété des paroles prononcées par moi hors de sa présence et qu'elle ne pouvait pas avoir entendu? Puis-je nier, et cependant ceci est fou, avoir trouvé au cou de mon fils une médaille qui était enfermée dans un meuble dont elle ne s'était pas approchée? Mais je m'arrête, car vous pourriez me croire insensé, et jamais cependant ma raison n'a été plus ferme. Jamais plus je n'ai cru à la science exacte dont vous êtes un des plus illustres représentants. Je vous en supplie, venez au secours de ma chère compagne, sauvez-la !»